Pas autant que ça, en fait. C'est-à-dire que c'est Ernesto de Martin, un intellectuel certes connu et une dimension, une figure d'envergure mondiale, mais qui Oui, tout à finalement fait. a eu des périodes où il a été lu, traduit à l'étranger, ici en France Et ou en aujourd'hui, aux Anglais. États-Unis. Aujourd'hui, aux Aux États-Unis. États-Unis, oui. Voilà, donc aujourd'hui, Marcello Masenzio présentera un exposé sur la culture hégémonique et culture subalterne au pluriel, je pense que ça c'est assez important. Influence de la pensée d'Antonio Gramsci sur les études anthropologiques italiennes. Donc je vous ai dit, Marcello Masenzio, professeur d'anthropologie et histoire des religions à l'Université de Rome Tor Vergata. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire des religions, l'histoire de l'anthropologie italienne et de l'histoire des religions italiennes, mais aussi sur. Vous avez travaillé aussi sur la notion du juif errant Oui, sur le dans la mythe. longue durée Oui. de la chrétienté jusqu'au. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui et Jusqu'aujourd'hui. notamment jusqu'à la figure de Chagall. Voilà, donc je vous laisse. Chagall, un mythographe. Oui, Voilà. parce que le mythe continue à exister. Donc on parle encore à travers les mythes. Bon, merci Ricardo, merci Gianfranco de m'avoir donné l'opportunité de tenir un séminaire consacré à un aspect très particulier de la pensée d'Antonio Gramsci, homme politique, intellectuel, philosophe, très connu, très célèbre. Je vais essayer ce matin de vous parler de Gramsci en anthropologue. C'est une nouveauté, peut-être. De Gramsci, un théoricien de la recherche anthropologique. Et un théoricien aussi, et ça c'est très important pour moi, de la méthodologie de l'analyse historique. J'espère bien de pouvoir dialoguer avec vous sur ce thème. Aussi bien à la fin que à l'intérieur de mon exposé. N'hésitez pas à me demander quelque chose. Donc, l'influence de la pensée de Gramsci sur l'anthropologie en Italie, c'est mon premier sujet. Pour évaluer cette influence, il faut partir des célèbres observations sur le folklore, qui font partie du cahier des prisons, le cahier numéro 27, qui remonte au 1935. Gramsci était prisonnier à Turin, comme vous le savez. Et l'édition critique des cahiers de prison des années 1975 a été publiée en France chez Gallimard. Donc vous pouvez. Et vous avez ici un des tomes. Ce sont quatre tomes et vous avez ici un des tomes des cahiers de prison. Mais malheureusement, il n'y a pas le cahier numéro 27. Mais j'ai le texte, donc je vais le lire doucement et donc vous pouvez prendre note. Donc, qu'est-ce que sont les observations sur le folklore? Il s'agit d'un essai très court, mais comme d'habitude chez Gramsci, très dense, très riche en implications théoriques et méthodologiques. Un essai qui concerne d'abord la culture populaire. Donc, Gramsci, c'était le fondateur du Parti communiste d'Italie. 1921, et donc il ne pouvait pas se désintéresser de la culture des masses populaires. Et donc il a écrit les observations sur le folklore parce que il était très prise par la culture des masses populaires. Et donc, comme je venais de vous dire, les observations concernent d'abord la culture populaire, mais en même temps, cet essai dépasse le domaine de la recherche sur le folklore. Folklore, c'est un mot anglais. Folk, c'est peuple, et lore, c'est science, la science du peuple. À mon avis, on peut considérer les observations sur le folklore comme un classique, un véritable classique de la pensée moderne, qui, comme c'est propre des classiques, à chaque lecture, ouvre des perspectives herméneutiques inédites. Je suis convaincu que cet essai de Gramsci recèle, et on le verra, un véritable discours sur la méthode, qui a permis de fonder sur des bases nouvelles la recherche anthropologique, au sens le plus large du terme. Anthropologie, c'est la science, logos, anthropologie, la science de l'homme. Et les observations sur le folklore ont donné lieu à un vaste débat, pas seulement en Italie, et pas seulement dans le domaine de l'anthropologie, un débat qui se prolonge aujourd'hui aux États-Unis. Et dans l'impossibilité de rendre compte des multiples prises de position, je me limite à concentrer mon attention sur un nombre restreint de recherches anthropologiques italiennes, et en particulier sur la terre du remords, publiée en français, dont je parlerai après, par Ernesto De Martino. Les observations sur le folklore. Gramsci élabore une théorie personnelle et très novatrice de la culture populaire, qui tend à renverser les constructions théoriques et les procédés méthodologiques les plus répandus dans le contexte de la culture européenne. Et je commence par lire un passage clé tiré des observations sur folklore, cahier 27, page 337, édition Gallimard. Je vais lire très lentement, je vais répéter. On peut dire que jusqu'à maintenant, le folklore a été étudié avant tout comme élément pittoresque. En réalité, jusqu'à maintenant, on n'a fait que rassembler de la documentation érudite, et la science du folklore a consisté avant tout en études de méthodes pour le rassemblement, la sélection et la classification de ce matériel. C'est-à-dire en l'étude des précautions pratiques et des principes empiriques nécessaire pour développer avec profit un aspect particulier de l'érudition. C'est un mot-clé, érudition. Donc, on peut dire que jusqu'à maintenant, le folklore a été étudié avant tout comme élément pittoresque. Et la science du folklore a consisté en étude de méthode pour le rassemblement, la sélection et la classification de ce matériel. Et donc, l'aspect érudite. Gramsci s'oppose aussi bien à une étude de pure érudition que à la réduction du folklore en simple élément pittoresque. Parce que Gramsci propose, et c'est ça la partie la plus importante de sa théorie, Gramsci propose d'aborder le folklore en tant que conception du monde et de la vie. C'est sa révolution. Le folklore comme conception du monde et de la vie. implicite dans une large mesure de couches déterminées de la société. Donc vous voyez, il y a une vision sociale et politique de la dimension du folklore. Le folklore, comme conception du monde et de la vie, implicite dans une large mesure de couches déterminées dans le temps et dans l'espace de la société. Et ça va continuer. En opposition avec les conceptions officielles du monde. Donc, le caractère le plus important du folklore, c'est avant tout d'être une conception du monde et de la vie. Et en deuxième lieu, d'être en opposition, en antagonisme avec les conceptions du monde officielles. Donc, c'est l'antagonisme politique et social qui se reflète dans le folklore. Et donc, pour Gramsci, et on le verra tout de suite, ce que doit être complètement renouvelé, c'est la conception de peuple. Qu'est-ce que c'est le peuple, par exemple, pour Gramsci? Alors, je vais lire une troisième fois parce que c'est le point le plus important. Le folklore en tant que conception du monde et de la vie implicite en large mesure des couches déterminées de la société en opposition, elle aussi implicite, mécanique, objective, avec les conceptions officielles du monde. Que veut dire implicite? Donc, le folklore est, sans aucun doute, une conception du monde, mais qui n'est pas un système cohérent de pensée. Donc, implicite doit être compris dans ce sens. Et l'opposition même n'est pas une opposition consciente, organisée, politique. C'est une opposition mécanique, objective, implicite. Donc, en opposition avec les conceptions officielles du monde qui se sont succédées dans le développement historique. D'où les trois rapports entre folklore et sens commun. C'est une autre manière de parler du folklore, comme sens commun, c'est-à-dire le folklore philosophique. Alors, on va réfléchir sur cet extrait. Le folklore ne peut pas être analysé ni compris sans tenir compte du contexte historique auquel il participe. Comme l'a noté Alberto Maria Cirese, vous voyez un texte célèbre de Alberto Mario Maria Cirese, anthropologue italien parmi les plus importants. Le point de vue marxiste de Gramsci s'opposait à l'historicisme idéaliste en rétablissant le lien entre faits culturels et faits sociaux. Lien que, au contraire, Benedetto Croce avait effacé. Donc, le lien entre faits culturels et faits sociaux. Faits culturels et faits politiques, j'ajouterai, mais on le verra ensuite. C'est ici que réside l'aspect le plus important et le plus riche en perspective de la pensée gramscienne. D'autre côté, Gramsci prend ses distances par rapport à l'approche romantique de la culture populaire. Et surtout, il refuse la notion de peuple au sens générique du terme, et en particulier l'idée abstraite de âme du peuple dans laquelle apparaissent de manière spontanée les racines éternelles de l'identité nationale. C'est la vision romantique. Gramsci avait, entre parenthèses, avait une connaissance très précise, très directe de l'idéologie romantique, car lors de son séjour en prison à Turin, il a traduit de nombreux contes des frères Grimm. Et cela lui a permis d'entrer directement en contact avec l'imaginaire populaire passé au crible de l'idéologie romantique. En revanche, dans les observations sur le folklore, le « me peuple » désigne l'ensemble des classes subalternes et instrumentales de toute forme de société qui ont existé jusqu'à maintenant. Donc, le folklore, c'est la conception du monde qui appartient à l'ensemble des classes subalternes et instrumentales de toutes les formes de société qui ont existé jusqu'à maintenant. Herder, justement, comme très romantique allemand, avait aussi mis en avant le folklore, enfin les arts dits mineurs du peuple, oui, puisque lui pensait peuple, et c'était surtout la culture paysanne, si on peut dire, oui, la culture. Oui, la culture. Oui. L'âme du peuple, Zé, oui, c'est Herder. Oui, c'était ça. Très, très bien. Alors, si peuple est l'ensemble des classes subalternes, etc., la vision idyllique et pittoresque du folklore est définitivement abandonnée. En même temps, le folklore gagne en noblesse et son étude acquiert une pleine légitimation scientifique dans la mesure où le folklore reflète les contradictions de la société européenne divisée en classes. C'est pour cela qu'il parle des conceptions du monde qui s'opposent aux conceptions officielles. Cette attitude polémique à l'encontre de l'idéologie romantique la plus diffusée, la plus connue, la plus célèbre, cette attitude polémique de Gramsci n'est pas isolée, car Gramsci s'éloigne également de la conception du folklore qui a marqué l'anthropologie britannique à tendance évolutionniste. Et ça, c'est très important. En premier lieu, les observations sur le folklore, il est possible d'apercevoir un rappel tacite et très polémique de la notion de survival, de survivance. On d'habitude parle de folklore comme survivance de quelque chose qui n'existe pas plus. Donc, dans le texte de Gramsci, il y a un rappel polémique de la notion de survivance qui est propre à l'évolutionnisme. Et qui a joué, et joue encore, hélas, un rôle d'importance primordiale dans le développement des études consacrées aux traditions populaires, qui sont un aspect fondamental de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie se consacre à l'étude de l'altérité culturelle, et le folklore, en tant que conception du monde, des classes subalternes, représentent l'altérité dans la même thé, on dirait aujourd'hui. L'altérité de côté de nous. J'ouvre une parenthèse pour encadrer la notion clé de survivance. Comme tout le monde le sait, l'ouvrage qui représente l'acte de naissance de la réflexion anthropologique, Primitive Culture, la culture primitive de Taylor, Edward Bernard Taylor, on dit en français Taylor, retrace une conception de l'évolution culturelle de toute l'humanité en s'appuyant sur la conception darwinienne de l'évolution biologique. Donc, au début de la révolution culturelle qui a amené à la naissance de l'anthropologie, il y a Darwin. La culture moderne est tout à fait en dette avec Darwin. Darwin Taylor, mais avec des grandes limites. Donc, Taylor se propose de retracer l'évolution culturelle de toute l'humanité en s'appuyant sur la conception darwinienne de l'évolution biologique. La théorie de Taylor se fonde sur l'idée que, dans son processus de développement, d'évolution, l'humanité entière effectue un percours unique. Il s'ensuit que les civilisations, et ça c'est très important, ne se distinguent entre elles que par le rapport au stade évolutif auquel elles sont parvenues à un moment donné. Donc, les deux pôles extrêmes sont représentés d'un côté par les civilisations primitives. Donc, vous voyez, on a introduit la notion de primitif. Les civilisations primitives qui se sont arrêtées au degré initial du processus d'évolution. Et d'autre côté, à l'autre extrême, il y a la civilisation industrielle occidentale, occidentale, qui occupe le sommet de la pyramide évolutive. C'est la conception darwinienne transposée dans le territoire de l'histoire. La civilisation occidentale, la plus évoluée, donc, dans la perspective de Taylor, est passée elle-même par la phase primitive. Phase primitive qui, du point de vue de la culture, est caractérisée d'abord par la magie, donc primitive magie, ou fausse science, comme dit Taylor, et ensuite par la religion. Mais bien qu'elle soit la plus avancée du point de vue de la rationalité et de la science, la civilisation occidentale renferme en elle des traces de son passage à travers les phases dominées par la magie et par la religion. Ces traces sont visibles dans la culture populaire ou folklore. Qui a un caractère fortement conservateur. Donc l'idée du folklore, c'est l'idée de traces du passé perdu. On a appelé ces traces survivance, survival. Celles-ci sont indispensables afin de pouvoir reconstruire le processus d'évolution unilinéaire, dont le moteur est représenté par la force du progrès. Donc c'est véritablement la conception de l'évolution historique dont le moteur est le progrès. Et la philosophie de Marx est en tête avec cette idée. Alors, selon Taylor, la classe des survivances comprend les prosétés, les coutumes, les opinions, plus ou moins rudimentaires, qui ont été conservées par la force de l'habitude dans le stade le plus avancé de l'évolution culturelle. Donc le folklore est le témoignage du primitif à côté de nous. Donc les classes populaires sont primitives. L'image peut-être la plus parlante de la notion de survivance se trouve dans son ouvrage très célèbre, Le Rameau d'or de Flaubert. C'est l'image d'un rocher anguleux plein d'aspérité qui rompt à l'improviste la douceur d'un paysage modelé par l'homme. Donc la culture populaire, c'est un rocher anguleux. Tandis que la culture des classes dominantes, c'est un paysage modelé par l'homme. Donc dans l'idée de survivance, il y a quelque chose qui est du côté de la nature plutôt que du côté de la culture. Toute une série d'ambivalences. Alors Gramsci ne partage pas ce mode de pensée. Un mode de pensée qui, hélas, a forgé l'opinion commune. Aujourd'hui, si vous parlez de folklore, c'est l'idée du folklore comme survivance qui est encore... l'idée dominante. Gramsci, je disais, ne partage pas ce mode de pensée qui considère le folklore comme un ensemble désagrégé d'éléments hétérogènes provenant d'un passé et surtout privé d'une fonction dans le présent. L'idée de fonction est centrale pour Gramsci. S'il est vrai que le folklore recèle une conception du monde et de la vie, comme on l'a vu, qui, même si implicite, est toutefois en mesure d'orienter la pensée et l'action, chaque conception est une manière d'orienter la manière d'agir, la manière de penser dans la vie. Si donc il est vrai que le folklore recèle une conception du monde et de la vie, alors le folklore a une fonction très précise. Donc c'est d'orienter la manière de penser et d'agir. Et c'est justement en cela que réside son sens et sa fonction. Comme on le verra, on peut et on doit discuter de la manière par laquelle une telle conception exerce son influence sur les classes subalternes. Et c'est ça la perspective politique. On doit discuter de ça. Mais en tout cas, le folklore pour Gramsci, loin d'être une matière inerte, sans fonction, représente une composante constitutive de la dynamique sociale. Donc c'est véritablement le renversement, le folklore comme matière inerte et pour Gramsci, le folklore comme composante constitutive de la dynamique sociale. L'antagonisme culturel, pour Gramsci, reflète l'antagonisme social. C'est ça le centre de sa pensée. De ce point de vue, la différence entre la démarche gramscienne et l'anthropologie évolutionniste devient tout à fait nette. Or, s'il est vrai que Gramsci vise, en quelque sorte, à ennoblir le folklore, cela ne l'empêche pas de mettre à lumière les propriétés négatives. étant donné que la conception du monde le folklore recèle en lui est propre aux couches sociales subalternes. Donc, la conception du monde n'est ni élaborée ni scientifique. Parce que le peuple, sont les mots de Gramsci, c'est-à-dire l'ensemble des classes subalternes et instrumentales, par définition, ne peut avoir des conceptions élaborées, systématiques et politiquement organisées et centralisées. Dans leur développement contradictoire. En d'autres termes, pour Gramsci, le folklore récapitule la totalité des conceptions du monde propres aux couches sociales subalternes, mais sans les systématiser de façon organique. À la différence de la culture officielle élaborée et systématisée par les intellectuels. Et, il faut ajouter que même le conflit avec les conceptions officielles est dépourvu d'une infrastructure politique consciente. Et donc c'est un antagonisme mécanique. Objectif. À l'opposé, la stratégie culturelle adoptée par les classes dominantes et en particulier par les hiérarchies ecclésiastiques est qualifiée par Gramsci de politique. Et je vais vous lire à cet égard un extrait très dense tiré d'un autre cahier, le cahier 11, mais il faut mettre en dialogue les cahiers. Un extrait qui s'appelle Introduction à l'étude de la philosophie. C'est un extrait d'une importance capitale pour la pensée de Gramsci. Donc, on a vu que on peut dire que la culture populaire, celle en soi, une sorte de folklore philosophique. Mais quel est le rapport? Parce que d'un côté, il faut considérer le rapport de la culture populaire vers la culture officielle. Mais d'autre côté, il faut voir le rapport de la culture officielle à l'égard du folklore. Le rapport entre la philosophie supérieure et le sens commun ou folklore de la philosophie est assuré par la politique. Donc il y a un destin politique, et on le verra. De même qu'était assuré par la politique, le rapport entre le catholicisme des intellectuels et celui des simples. Le catholicisme des simples. Qu'est-ce que c'est simple? Simple, c'est populaire. C'est non cultivé. Implicite, etc. Que l'Église... Et donc, vous voyez que le discours de Gramsci se déplace du terrain de la culture populaire au terrain de la réflexion sur la religion et sur le catholicisme. Que l'Église doive affronter un problème des simples, un problème des classes populaires, de la religion des classes populaires, du catholicisme populaire. Que l'Église doive affronter un problème des simples signifie justement qu'une rupture a eu lieu dans la communauté des fidèles. Parce qu'il y a le catholicisme des classes dominantes et le catholicisme des classes subalternes. Donc, le catholicisme, c'est ça l'idée fondamentale, n'est pas un bloc monolithique. Il est traversé par des différences qui reflètent les différences sociales. C'est une manière très très novatrice d'aborder le problème de la religion et du catholicisme, en Italie en particulier. Rupture à laquelle on ne peut pas remédier en élevant le simple au niveau des intellectuels. L'Église n'est pas révolutionnaire. Mais au contraire, en faisant régner, et ici Gramsci est véritablement très dur, l'Église, en faisant régner une discipline de fer sur les intellectuels afin qu'ils ne dépassent pas certaines limites dans la distinction entre philosophie supérieure et sens commun et ne la rendent pas catastrophique et irréparable. Donc, je vais vous lire une deuxième fois. Que l'Église doive affronter un problème des simples signifie justement qu'une rupture a eu lieu dans la communauté des fidèles. Les fidèles, donc, ne sont pas égaux. Rupture à laquelle on ne peut remédier en élevant les simples au niveau des intellectuels. Ça veut dire que l'Église a comme but de garder l'état des choses, d'immobiliser l'état des choses. Immobiliser du point de vue de la religion, du point de vue de la culture, mais immobiliser du point de vue de la politique, étant donné que la culture et la religion reflètent la politique. Excusez-moi, pour quelle raison? À cause, parce que les dominants ont l'argent, c'est bien. Oui. Alors, l'Église manifeste son pouvoir s'efforçant de rien changer au niveau culturel. Ce qui comporte la volonté de rien changer au niveau de la structure de la société divisée en classes. Rupture, c'est le mot-clé. En d'autres termes, assurer le maintien de la rupture dont parle Gramsci, ça signifie assurer le maintien de l'ordre social donné. À part ça, c'est très intéressant de signaler, au niveau de la méthode, l'importance accordée à l'analyse du lien très concret qui existe entre religion et société. Donc, c'est toujours la méthode. Donc, il faut mettre toujours en rapport religion et société. Et plus en général, le lien concret entre culture et société à l'intérieur d'un contexte historique bien défini. Cette démarche nous permet de discerner les caractères constitutifs de la religion catholique qui, comme on l'a dit, loin d'être une sorte de bloc monolithique, se présente sous des formes et sous des contenus bien différents qui se rattachent aux stratifications sociales. Et à cet égard, je vais vous lire quatre lignes de Gramsci qui ont fondé, à mon avis, l'histoire de religion au sens historique. Toute religion, donc, il parle de culture populaire, puis il parle du catholicisme, puis il parle de la religion en tant que telle. Toute religion, y compris la catholique, est en réalité une multiplicité de religions. La religion n'existe pas. Et il existe les religions à l'intérieur d'une religion. une multiplicité de religions distinctes et souvent contradictoires. Il y a un catholicisme des paysans, un catholicisme des petits bourgeois et ouvriers de la ville, un catholicisme des femmes et un catholicisme des intellectuels. Il s'ensuit que dans la perspective gramscienne, c'est justement la dimension sociologique et historique du phénomène religieux qui prend le dessus au désavantage du côté purement doctrinaire et théologique. Toute religion est un ensemble plus ou moins cohérent de plusieurs religions et donc un ensemble plus ou moins cohérent de différentes conceptions du monde et de la vie. Chacune d'elles reflète d'une manière dynamique les exigences de couches déterminées dans le temps et dans l'espace de la société. Le propre de l'analyse historico-religieuse réside donc dans la capacité de saisir ce lien entre les divisions sociale et la doctrine entre les différenciations que traverse le domaine de la religion au fil des époques historiques. Au fond de cette théorie, il y a en puissance la conception de la religion en tant que produit historique. Celle reflète les exigences des couches sociales déterminées. La religion en tant que produit culturel, dont l'origine est dans l'histoire. Conception novatrice qui s'oppose à la pensée théologique qui considère la religion comme le résultat de la révélation divine. Donc, dans cette manière, il est à l'origine de l'anthropologie culturelle en tant qu'il considère le folklore comme conception du monde, comme mythologie, on peut dire. Et d'autre côté, il fonde l'histoire de religion en proposant, même si en puissance, l'idée de religion comme produit historique. On peut discuter de ça, mais on ne peut pas ignorer ça. Et je vais effacer quelque chose. C'est dommage. Écoutez, je croyais d'avoir parlé une demi-heure. Non, il faut effacer quelque chose. Alors, 10 minutes de plus aussi. Alors, troisième point pour conclure sur Gramsci. Je suis passionné par Gramsci, donc je me laisse prendre la main. Le discours de Gramsci se détache du plan théorique dans la mesure où il pose le problème politique. Écoutez bien, de l'utilité de la connaissance du folklore dans le cadre de l'activité formatrice de l'État. Et ici, c'est le Gramsci en politique qui va parler. Mais l'activité formatrice de l'État concerne la formation intellectuelle et morale des générations les plus jeunes. Alors, quelle est l'utilité de la connaissance du folklore dans le cadre de l'activité formatrice de l'État? Et, alors, je vais vous lire. Dans la mesure où Gramsci pose le problème de l'utilité de la connaissance du folklore, dans la mesure où il pose ce problème, il ouvre un débat qui marquera la recherche anthropologique et historico-religieuse italienne. Le folklore, selon Gramsci, doit être dépassé. En raison de l'abîme entre ce dernier et la nouvelle culture des grandes masses populaires. Parce qu'on ne peut pas accepter aujourd'hui l'antagonisme implicite, objectif, qui n'est pas le produit d'une conscience politique. Donc, il y a un abîme entre le folklore implicite, etc., qui est dépourvu d'une structure organique, etc. Donc, le folklore en tant que tel doit être dépassé parce que, je dis à quelqu'un, il empêche le progrès. Mais, et ça c'est le paradoxe, c'est la partie la plus intéressante. Mais c'est justement dans cette perspective, dans la perspective du dépassement du folklore, qu'il faut le connaître. Il faut le connaître, et Gramsci ajoute, il faut le connaître comme quelque chose de très sérieux à prendre au sérieux, pour avoir conscience de ses limites historiquement déterminées. C'était la culture des masses populaires dans un contexte historique très précis. Mais aujourd'hui, le contexte a changé. Et donc, il faut renouveler la culture des masses populaires. Mais avant tout, il faut renouveler la conscience politique des masses populaires. Donc, le folklore doit être dépassé, mais afin de le dépasser, il faut le connaître. Il faut le connaître comme quelque chose de très sérieux à prendre au sérieux. Et vous comprenez pourquoi cette prise de position très tranchée a fait discuter beaucoup en Italie, hors d'Italie, aujourd'hui aux États-Unis. C'est le débat. L'utilité du folklore. Mais en quoi il empêche le progrès? Mais parce que c'est implicite. Implicite. Parce que l'antagonisme social est un antagonisme implicite, comme je disais au début, qui est privé de conscience politique. Parce que, on le verra ensuite, parce que la thèse du remords reprend ce thème du dépassement du folklore. Par référence avec ce qu'on a dit lors de la première séance, je ne sais pas si vous étiez là, si. Mais on avait donné aussi cette définition gramscienne de la subalternité, enfin des subalternes comme ceux qui subissent l'initiative politique des autres. Voilà, et il faut qu'ils sortent Donc en fait, les folklores rentrent un petit peu dans cette idée d'implicite ou de passivité aussi. La question de la conscience politique, c'est la possibilité d'une prise d'initiative politique, donc d'une rentrée dans l'histoire par l'activité politique. Voilà. Des masses, alors que les folklores est une conception du monde qui est en opposition, qui résiste donc à la culture hégémonique, à la culture officielle, mais en même temps, elle n'est pas capable de la dépasser ou de... C'est difficile oui, de ça. De s'opposer d'une manière politique. Oui, c'est ça. C'est ça le problème de Gramsci. Gramsci, c'est un politicien avant tout. Et donc, son problème, c'est de donner aux masses populaires une culture qui est à mesure de dépasser l'état des choses comme ils sont. D'accord. Donc, c'est un discours en même temps culturelle, philosophique et politique. Parce que dans la pensée de Gramsci, la politique ne peut pas être séparée de la culture ne peut pas être séparée de la société, etc., etc. Donc, à l'opposé de la politique de l'Église, de la discipline de fer de l'Église, l'activité formatrice de l'État doit avoir pour but la suppression, c'est ça que tu as dit, de la coupure entre culture officielle et culture du peuple. C'est le projet, c'est l'utopie, si vous voulez, de Gramsci. Et justement, De Martino va approfondir le thème de l'utilité de la connaissance du folklore. Alors, je me limite à ça. Pour avancer un petit peu, alors, les réactions suscitées dans le domaine de l'anthropologie italienne à la suite de la publication en 1951 des cahiers de prison. Et lors de la première édition italienne, la Fondation Gramsci organise à Rome, 1951, trois séminaires, dont le deuxième avait pour sujet Gramsci et le folklore. Je vais dire quelque chose, mais je vais reprendre ce sujet par la suite en parlant de De Martino. Le problème du folklore est lié en Italie à la question méridionale. Le grand débat sur la question méridionale, qui même aujourd'hui est une question encore ouverte. Donc l'intérêt de Gramsci pour la culture est toujours, j'ose le dire, subordonné à l'intérêt politique. Donc c'est l'intérêt pour la question méridionale qui l'amène à réfléchir sur la culture des classes populaires aujourd'hui, sur le folklore, sur la conception du monde, sur la nécessité de connaître pour modifier. C'est ça la trajectoire. Et donc, la Fondation Gramsci a consacré un séminaire, Gramsci et le folklore, à cause de l'importance immense dans la société italienne de la question méridionale. Le sud d'Italie. Le sud d'Italie fait partie de l'Italie ou pas? Je ne sais pas encore le sud de l'Italie. Et parmi les auteurs qui présentèrent une relation, je me limite à signaler mon maître, Ernesto De Martino. Au rapport de Martino Gramsci, certainement le plus complexe et le plus fertile, je vais consacrer, si j'arrive, la partie finale du séminaire, mais avant de parler de De Martino, je voudrais m'attarder un petit peu sur l'œuvre d'un autre célèbre ethnologue, historien de religion italienne, Vittorio Lanternari. Un des derniers numéros d'archives des sciences sociales de religion a été consacré à moitié à Lanternari. Vous voyez une très belle photo de Lanternari en Afrique. Lanternari s'est souvent occupé de la pensée de Gramsci en matière de folklore. De folklore religieux, parce que le folklore est pour la grande partie folklore religieux. Et d'ici l'intérêt de Gramsci pour le conseil de religion, pour les articulations de la religion. Lanternari remarque avec force que l'influence des observations sur le folklore ne se limite pas au domaine de l'ethnologie et de l'histoire des religions, dans la mesure où cet essai a suscité un énorme besoin de renouvellement de l'historiographie dans sa globalité. L'historiographie. Et je lis un petit extrait de l'internat avec lequel j'ai fait ma soutenance de thèse. Donc, il y a toujours une composante autobiographique. Dans la perspective d'une mise à jour méthodologique et d'un approfondissement de l'historiographie traditionnelle, la découverte et la mise en valeur par Gramsci de la dimension dynamiste des rapports entre culture et subculture, l'antagonisme social, c'est ça la dimension dynamiste, constitue l'apport novateur de l'historiographie de la période d'après-guerre. En ce qui concerne les nouvelles sciences de l'homme, l'anthropologie, c'est l'expression, c'est la synthèse des nouvelles sciences de l'homme, la crise du colonialisme sur le plan international et les nouveaux ferments sociaux dans son Italie à peine sortie de la dictature fasciste, nous sommes en 1951, poussent les chercheurs à imprimer, les chercheurs dans le domaine de l'histoire des religions, de l'anthropologie, à imprimer un radical changement de perspective à l'analyse des faits culturels. Et le changement de perspective, je le résume, c'est de lier faits culturels et faits sociaux. À cet égard, il me semble utile de mentionner un deuxième passage de l'internari qui met en valeur l'importance de la pensée de Gramsci pour l'élaboration d'une nouvelle méthodologie de la recherche. L'internari. Le discours de Gramsci s'applique surtout au problème du folklore religieux et de l'opposition entre catholicisme et religiosité populaire à l'intérieur de notre monde italien. Mais un grand nombre de ce présupposé et de ces suggestions qui en dérivent peuvent être également appliquées avec profit au monde plus vaste de l'ethnologie, et en particulier de l'ethnologie religieuse. C'est un extrait tiré d'un ouvrage de l'internari dont le titre est Occidente et Terzo Mondo. Donc le tiers monde, c'est l'équivalent des grandes masses populaires dont on a parlé dans la culture. Et donc, quand l'internari va en Afrique pour faire des recherches anthropologiques, il va surtout étudier l'antagonisme social des peuples colonisés contre les peuples colonisateurs. Je dois limiter. Alors, l'internari a consacré ses recherches aussi bien à la religiosité populaire qu'au mouvement religieux du tiers-monde. Son livre, le plus connu traduit aussi en français, s'intitule « Mouvement religieux des peuples opprimés ». Donc, il passe dans des mouvements religieux des classes subalterne au mouvement religieux des peuples opprimés. Et l'archive des sociologies de religion est consacrée justement à ce texte fondamental de l'internari, qui a été publié en France chez Maspero et qui a suscité un énorme débat. Alors, l'internari était ami, collègue collaborateur de De Martino. Et il a écrit un essai très émouvant qui s'appelle « Mon alliance avec De Martino ». Et je vais vous lire quelques extraits parce que, à mon avis, c'est très important de savoir. C'est l'internat qui parle. Il avait entre moi et De Martino un courant d'intérêt parallèle qui, par une chance très rare, convergeait vers une collaboration sans conflit. Ici, c'est un petit peu idyllique. Il y avait des conflits. Quand on fait un petit peu d'autobiographie, on va effacer les conflits. Mais je vais vous lire ça pour faire comprendre que l'internari et De Martino, c'était des intellectuels marxistes. Et donc, il faut toujours tenir présent ça. Nous étions sortis depuis peu de la guerre contre la dictature fasciste. Nous nous sentions libres et nous avions tous les deux envie d'élargir nos horizons de savoir vers des mondes et des hommes jusqu'alors restés dans l'ombre ou marginalisés. Donc, il y a un engagement politique entre aussi bien à l'internat qu'à De Martino. Le sud d'Italie, n'était connu sur le plan culturel que par un folklorisme essentiellement descriptif. Donc, il y a une citation de Gramsci. D'emblée, un intense rapport avec De Martino s'est déployé à partir de cette sorte d'alliance pour une même bataille culturelle qui a marqué un tournant fondamental en Italie, en se répercutant durablement et profondément sur notre culture tout entière. C'est la spécificité de la situation italienne. À commencer par l'orientation donnée à l'étude des problèmes de notre mezzogiorno. On fut contraint de prendre conscience de l'étroite interaction entre les conditions socio-économiques et donc l'histoire politique et la culture. Vous voyez ici l'influence de Gramsci. Et on dut finalement admettre que les années 50, avec les révoltes paysannes pour l'occupation des terres, représentaient un saut culturel d'une immense importance dans l'histoire du Sud. Une nouvelle littérature méridionaliste se développa dans laquelle De Martino, avec Carlo Levi et Gramsci, occupaient une place de premier plan, celle de pionniers d'une véritable révolution culturelle. Donc, l'internale rend hommage à De Martino en tant que pionnier d'une véritable révolution culturelle. Alors, si on veut porter un jugement d'ensemble sur la situation de l'anthropologie italienne après la Seconde Guerre mondiale, il faut insister sur l'importance primordiale accordée à la dimension sociale des faits culturels situés à l'intérieur de leur propre contexte historique. De ce point de vue, Carlo Levi, Antonio Gramsci, Ernesto De Martino, marque la naissance d'un renouveau de l'anthropologie dans les années 1945-1950, un passé perdu. Carlo Levi, vous connaissez Carlo Levi, le célèbre ouvrage de Carlo Levi, traduit, publié plusieurs fois à Paris, Le Christ s'est arrêté à Eboli, Cristo si è fermato a Eboli, 1945, donne le premier témoignage de cette nouvelle approche à l'analyse de la culture populaire. Le titre, j'adore le titre, Le Christ s'est arrêté à Eboli. Donc, au-delà d'Eboli, il n'y a pas de christianisme. Il y a d'autres choses, il y a la culture populaire. Le Christ s'est arrêté à Eboli. Il n'était pas capable d'aller au-delà d'Eboli. Mais pourquoi? Qui était en mesure d'arrêter le Christ? C'est très fascinant. Mais le personnage Carlo Levi, c'est d'une importance immense, il mérite un séminaire. Alors, l'analyse, vous trouvez dans Carlo Levi, antifasciste, donc, qui était obligé de vivre à... Je ne me rappelle pas... À Eboli. À Galliano. Et donc, il a pris conscience de la diversité de la culture populaire du sud de l'Italie par rapport à la culture officielle. Et donc, c'est le premier qui s'était intéressé à la question méridionale. Alors, Carlo Levi donne le premier témoignage de cette nouvelle approche à l'analyse de la culture populaire considérée comme corollaire de l'histoire sociale des classes rurales méridionales. C'est un texte d'une beauté immense. Vous le trouvez très facilement dans la collection Folio Gallimard. Les observations sur le folklore fournissent le premier modèle d'interprétation dynamique et critique de l'histoire religieuse de l'Italie. Chez De Martino, et c'est moi que j'ai dit ça, les deux voix de Levi et de Gramsci s'unissent dans l'étude méthodique sur le terrain à partir de 1952 de la religiosité paysanne du Sud. Les monographies de De Martino, qui sont le produit des recherches ethnographiques dans le Sud, sont traduites en français, Italie du Sud des Magies et La Terre du Nord. On est arrivé à parler. je dois ajouter Mort et lamentation funèbre. Mon texte favori, j'ouvre une parenthèse, on a décidé, moi et Daniel Fabre, de traduire après la fin du monde, la mort et lamentation funèbre, si l'école d'Ozzetiu donne encore une fois la possibilité de payer une traduction aussi complexe comme la fin du monde. Et dans le mort et lamentation funèbre, il y a un contraste analysé d'une manière fascinante entre la manière de, comment dire, de donner du sens à la mort dans le christianisme et dans la culture des masses populaires. C'est tout autre chose. Et c'est dans ce domaine, dans le domaine de la mort, que le contraste est véritablement radical. Parenthèse fermée. Alors, qu'est-ce que c'est la Terre du Remords? Bon, c'est le point culminant des recherches de Martiniennes dans le domaine du folklore et en même temps l'ouvrage le plus achevé de l'histoire des religions et de l'anthropologie italienne. On peut soutenir que la Terre du Remords, la Terre del Rimorso, rimorso, bon, je vous dirai dans quel sens il faut entendre rimorso, remords. Euh, Lev Westergram, est bien présente, et on le verra, mais en même temps, de Martine, au fort de sa formation historico-religieuse, donne de l'ampleur à sa recherche en ouvrant des perspectives tout à fait nouvelles. Dans La Terre du Remords, l'auteur retrace l'histoire religieuse de l'Italie du Sud en l'intégrant, et c'est ça la dette à l'égard de Gramsci, en l'intégrant dans une nouvelle dimension de la question méridionale. Donc s'occuper de la Terre du Remords de Tarantino, c'est s'occuper de la question méridionale. L'engagement, c'est surtout politique et social. Autrement, on fait du folklore qui s'intéresse à l'élément pittoresque. Bon, il y a la danse, la tarante, etc. Donc, il faut toujours noter que l'histoire religieuse est une nouvelle facette de la question méridionale. À cet égard, il rend hommage à Gramsci, et je vais vous lire. C'est moi qui j'ai fait la traduction. Il faut attendre Gramsci et ses nouveaux apports conceptuels pour que l'évaluation du catholicisme prenne en compte sa dimension sociologique et qu'elle intègre dans sa documentation en ce qui concerne la société italienne, le catholicisme populaire ou folklore. Alors, quelque chose sur le tarantisme, il faut le dire. L'objet de la recherche ethnographique de Martinienne est le phénomène du tarantisme, répandu dans les Pouilles. Je crois que vous connaissez à peu près le tarantisme, non? Quelque chose. Peut-être quelques mots pour... Oui, quelques mots pour orienter. Le tarantisme, donc, recouvre d'un habit chrétien une réalité pré-chrétienne, extra-chrétienne. Et ça, c'est la complexité du phénomène. C'est le syncrétisme entre la culture pré-chrétienne et la culture chrétienne. C'est un phénomène à caractère magique, entre guillemets, parce qu'on dit magique, mais on ne sait jamais bien ce que magie veut dire. Bon, autre parenthèse fermée. La structure du livre est extrêmement complexe. Il s'agit donc d'un rituel de possession, à l'intérieur duquel la musique joue un rôle d'importance primordiale. Vous savez, l'Italie, c'est la terre de la musique. La musique. Véritablement, c'est une musique très, très, très fascinante. C'est la fonction thérapeutique de la musique. La musique comme thérapie, un phénomène très répandu dans la Méditerranée. La musique, je disais, joue un rôle d'importance primordiale dans l'effort de guérir des malades, malades entre guillemets. Le plus souvent sont des femmes, dans la majorité des cas sont des femmes, qui se croient habitées par un animal mythique. Cet animal mythique, c'est la tarente. Alors, on va élargir un petit peu notre analyse. Le tarantisme, donc, tarantisme parce que la divinité, entre guillemets, qui possède, c'est la tarente, un être mythique. Le tarantisme est un élément constitutif de l'histoire religieuse du royaume de Naples. Tarantisme, Tarantella, vous connaissez, non? Quand on dit Naples, on dit Tarantella. Mais Tarantella, la musique, pour guérir les posséder par la Tarente. Donc l'histoire religieuse du royaume de Naples, une histoire qui ne peut pas être véritablement comprise sans s'accorder de l'importance au problème des modes de propagation de la religion chrétienne dans ces territoires. Le Christ s'est arrêté à Eboli. Donc, au sud d'Eboli, il n'y a pas de christianisme. C'est un petit peu exagéré. Bon. À cet égard, De Martino met l'accent, ici c'est la sa mentalité gramscienne, à cet égard, De Martino met l'accent sur les limites de la politique expansionniste du christianisme, dû au fait que le christianisme, dans sa variante catholique, s'est imposé au sud d'Italie comme, et c'est la réponse à votre question, comme la religion des classes dominantes. Tout ceci a déterminé, pour contre-coup, la persistance implicite, etc., des formes religieuses pré-chrétiennes ou extra-chrétiennes à connotation magique dans une population paysanne, rurale, dont les exigences et les besoins ne trouvent pas de réponse adéquate dans la religion officielle. C'est pour cela qu'il s'est fermé à Eboli. Donc, il n'est pas vrai que quelqu'un a arrêté le Christ en lui empêchant d'aller. C'est le fait que les exigences des classes populaires ne trouvaient pas une réponse dans le christianisme que le Christ s'est arrêté à Eboli. On peut discuter de ça. Et la terre du roman a suscité bien de débats à ce propos. Vous imaginez d'aller dans la culture officielle italienne catholique la force novatrice de De Martino qui a été rejetée. De Martino a eu du mal à s'imposer. On lui a empêché, c'est une petite chose, d'arriver à l'université de Rome. Il a trouvé dans la Sardaigne la seule possibilité d'avoir une chaire, parce que c'était révolutionnaire. De Martino a donc fourni une clé de lecture du processus qui a porté au renforcement du folklore comme religion des couches populaires. Parce que c'est dans le folklore que les masses populaires trouver une réponse à leurs exigences. Il faut ajouter que le folklore et le catholicisme officiel ne sont pas des compartiments étanches, car il existe toujours entre l'un et l'autre toute une série de raccords intermédiaires. Je vous fais un exemple très facile. Dans le tarentisme, l'apôtre Saint Paul est considéré comme Saint Paul des Tarentules. On n'a pas d'intérêt à Saint Paul en tant que le saint canonique, mais Saint Paul des Tarentules parce qu'il a subi la morsure de la Tarente. Et donc, c'est un scandale pour la religion officielle trouver comme Saint Paul des Tarentules, Saint Paul qui a subi la morsure de l'île de Malte. Mais vous savez qu'on est toujours à mesure de créer des mythes. Et chaque culture crée des mythes pour fonder sa propre conception du monde. Pour la culture populaire, Saint Paul a du sens en tant que Saint Paul des Tarentules, comme le premier possédé. Mais vous ne devez pas oublier la chute de Saint Paul, parce que les possédés de la Tarentule tombent par terre. et le premier à être tombé par terre. Donc, c'est véritablement magnifique d'étudier comme des thèmes officiels font l'objet d'une métamorphose radicale pour exprimer les besoins pratiques et culturels des personnes qui vont se reconnaître dans une certaine conception du monde. Vous devez penser que la conception du monde, c'est fondamental pour vivre. Donc, Saint Paul qui tombe par terre, bon, donc, il est tombé par terre parce qu'il a été mordu par la tarente. Donc, c'est une image scandaleuse. Alors, le contenu de cet ouvrage, vous devez considérer mon résumé comme une invitation à la lecture du texte. En premier lieu, le tarentisme ne peut pas être considéré, comme on l'a fait, une maladie. Pour effacer le scandale du tarentisme, bon, si on dit que Saint-Paul est Saint-Paul des Tarentaux, ça veut dire qu'ils sont des malades. Alors, De Martino, dans son voyage ethnographique, a créé une équipe de travail. Et dans l'équipe de travail, il y était Giovanni Gervis, qui était un psychiatre très important, qui a fait des études pour exclure que le tarentisme, c'est une forme de maladie. Donc, c'est une formation culturelle. Un phénomène culturel, et c'était De Martino le premier qui s'est rendu compte de ça. Vous savez que pour marginaliser une forme de pensée qui fait du scandale, il dit toujours « mais c'est malade, c'est de la maladie ». La marginalisation passe à travers l'idée de la maladie. Et vous, aujourd'hui, c'est facile de dire ça, mais vous devez penser aux années 50, quand De Martino fait ses travaux. Donc, il a lancé l'idée de faire des voyages ethnographiques en équipe. Il y a un sociologue, un psychiatre, etc. Un spécialiste de musique. Avec De Martino, il avait Diego Carpitella, qui est le point de repère de la musicologie traditionnelle en Italie et en Europe. Il a fait des livres magnifiques, même sur l'influence de la musique populaire, sur la musique culturelle. Un grand thème, énorme thème. Le tarentisme n'est pas une maladie, mais un phénomène culturel qui se manifeste à travers le langage des symboles. Et donc, il faut décrypter les symboles. Les symboles de la danse, de la musique et surtout des couleurs. Je ne peux pas aborder le sujet du couleur parce que c'est très difficile. Un phénomène enraciné dans les civilisations de la Méditerranée. Donc, l'étude de De Martino est une étude qui se fonde sur la méthode de la comparaison historique. Donc, comparer le tarentisme dans les Pouilles, dans la Grèce et dans tous les pays de la Méditerranée. Autre considération méthodologique. De la même manière, la tarente évoquée au cours du rituel n'est pas une araignée, mais une entité mythique façonnée à partir des caractères de l'araignée. Donc, la tarente doit être considérée comme un être sacré, la sacralité gauche, comme disait Léris, le grand Léris, qui a adoré la terre de remords. Bon. Un être sacré dont la morsure entraîne un état de possession. Dans la parenthèse, De Martino fait une comparaison avec le tarantisme et le vaudou. Et c'est pour cela qu'Alfred Metro, le grand spécialiste du vaudou, quand a lu la Terre du remords, a conseillé à Gallimard de la traduire. Donc tout se tient. Léris a écrit une lettre à Gallimard. Bon, je viens de lire un ouvrage magnifique. Métro à son tour et Balandier. Alors, La Terre du remords est parue en 1962, oui, quelque chose comme ça, en France. Et encore aujourd'hui, est un point de repère. Donc, la morsure de la Tarente. Et la possession. Les possédés, et je répète, par la plupart il s'agit de femmes, et ça n'est pas un cas, s'abandonnent à des comportements bizarres, très riches en allusions sexuelles. Donc scandale dans le scandale. S'abandonnent à des mouvements désordonnés caractérisés par des convulsions. Cette crise... La possession, c'est une forme de crise. C'est la sacralité, comme disait Gauche, c'est la sacralité noire, c'est le côté obscur de la sacralité. Cette crise reflète, dans la majorité des cas, le sentiment de frustration des femmes soumises à l'autorité des hommes et dans une certaine mesure. Elle exprime aussi, même si de façon, encore une fois, implicite, une sorte de rébellion. Étant donné que la dureté des mœurs patriarcales soustrait aux femmes, entre autres choses, le moindre droit à la liberté sexuelle, le rituel de possession donne et donc le rituel de possession est donc la mise en scène d'un profond malaise social qui recèle en même temps la tentative de la part de la société de canaliser ce malaise, de le soumettre à une forme de contrôle culturel. C'est le rite. Le rite permet d'exprimer ce qui normalement est interdit. Mais en même temps, le rite empêche que le malaise prenne des formes qui se soustraient à chaque forme de contrôle. C'est l'ambivalence des rites. Et j'aime bien ce thème de l'ambivalence. L'ambivalence du sacré. Le sacré obscur, le sacré lumineux, le rite, ambivalence, il te donne la possibilité d'exprimer, mais en même temps, c'est une forme de contrôle, etc., etc. On ne peut pas lire le religieux sans avoir conscience de l'ambivalence et, je dirais, de l'ambiguïté. Je me ferme. Alors, la musique. Donc, le rite n'a pas le pouvoir de changer la structure de la société. Il ne vise pas à ça. Le rite vise à permettre d'exprimer quelque chose qui, normalement, on ne peut pas exprimer, mais en même temps canalise la rébellion. Beaucoup d'auteurs ont proposé une lecture révolutionnaire du rite, mais à mon avis, ça c'est un petit peu trop. La musique, quelque chose sur la musique. La musique, on l'a dit, joue un rôle fondamental dans la mesure où, dans le déroulement du rite, son rythme, le rythme de la musique, c'est une musique fortement rythmée, le rythme pousse les possédés à transformer le mouvement convulsif en mouvement harmonieux. C'est la pédagogie de la musique. C'est la musique qui incite à transformer un mouvement désordonné petit à petit en mouvement harmonieux, à transformer la composition en danse. Et quand on danse, c'est fini. Alors la crise, c'est fini. La tarente est mise à l'écart. Mais, la victoire sur la tarente n'est qu'une victoire provisoire. Car la morsure de la tarente se renouvelle chaque été en coïncidence avec la fête de Saint-Paul de Tarente, le 29 juin. Alors, dans la capelle de Galatine, toutes les possédées, surtout les femmes, vont s'abandonner à des mouvements convulsifs et petit à petit à danser au rythme de la musique. Alors, remorte, c'est la nouvelle morsure, la deuxième morsure, remorte, mordre à nouveau, parce que la crise n'est pas dépassée, est canalisée par un an, et après il va se répéter, parce que la frustration ne dure pas un an. Donc, je vais conclure. Le tarentisme représente l'altérité culturelle par rapport au catholicisme officiel. Et vous pensez que les jésuites de l'époque de la contre-réforme avaient clairement compris ça, le caractère autre du tarentisme. Le jésuite qui parlait, écoutez bien, de l'Italie méridionale comme Indias de Poraca, l'Indias d'ici, l'altérité et qui habite à côté de nous. Et donc, l'Italie méridionale, il fallait l'évangéliser au même titre que les Indias de Porala, les Indias d'ailleurs. Et les voyages de Martino, c'est donc un voyage ethnographique à la découverte de quoi? À la découverte d'une autre manière, comme il dit, et j'aime bien cette formulation, d'une autre manière d'être homme en société. À la découverte de la conception du monde et de la vie cachée dans les institutions religieuses populaires. Alors, De Martino, quelle est la différence la plus évidente entre la religion officielle et la religion populaire? Que la religion populaire néglige complètement la dimension de la transcendance. C'est une religion de l'immanence. C'est Marc Auger qui m'a donné cette formule. Alors, je vais conclure et je laisse de côté le problème de l'utilité pour De Martino de la connaissance du folklore. À la prochaine fois. Okay. Merci beaucoup pour cette exposé qui est très riche et j'imagine qu'il y a tout de suite des questions dans la salle. On a encore une petite demi-heure, un peu moins de demi-heure, pour discuter ensemble. S'il y a des réactions, des questions, des précisions. Moi j'ai petit quelques questions, si je peux. Bien sûr, bien sûr. Non, peut-être parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. S'il n'y a pas de... Mais pour lancer les débats. Ouais. Merci beaucoup, professeur. C'était, en fait, c'est pas vraiment des questions, c'est des commentaires. Enfin, ma question serait, s'il vous plaît, continuez, parce que ce qui m'impressionne, c'est qu'à chaque fois que on revient sur ces observations sur les folklores des Gramsci, on retrouve à chaque fois une richesse énorme, parce que peut-être on s'arrête sur un concept, sur un mot qui ouvre après des pistes. C'est vraiment des passages fondateurs aussi pour l'anthropologie italienne, mais aussi pour l'anthropologie tout court, je trouve. Ouais, et en fait, en vous écoutant, je pense que j'ai cherché un fil conducteur, un mot qui puisse faire un fil conducteur entre Gramsci peut-être et les anthropologues italiens comme Lanternaire et De Martini. Et dans ma tête, il y avait le concept de dépassement qui revenait souvent, qui est un concept des Martiniens qui est bien traité dans le dernier ouvrage, La fin du monde, qui est l'ouvrage posthume. Mais c'est justement cette idée que la culture, il faut la connaître, la culture populaire, mais de quelque manière, elle doit être aussi dépassée. Ça, c'est dans la perspective de Gramsci. Oui, c'est ça. Et donc, je m'ai demandé par rapport aussi au tarantisme analysé par De Martino, je me disais, vous avez bien montré que le tarantisme est un rite des possessions qui sert à la reconstitution d'un ordre. Oui. Aussi, c'est la résolution, même s'il y a une dimension de résistance ou de rébellion. Mm-hmm. On exprime la rébellion, donc un antagonisme, oui, antagonisme par rapport à l'état des choses, de ces femmes. Un antagonisme à l'intérieur de la culture populaire qui, à son tour, est un antagonisme. Et un antagonisme. Mais en même temps, je me dis, c'est une culture populaire qui n'est pas capable de changer les rapports de force. Ah non. Parce qu'il y a une reconstitution de l'ordre. Donc je m'ai demandé, à propos de De Martino, on voit que sa lecture est très politique, donc qui est de quelques mesures est comparable à celle de Gramsci aussi, toute la question méridionale. Mais en même temps, son analyse de la culture populaire nous amène à une idée qui n'est pas celle du dépassement politique de l'état des choses, mais de la reconstitution de l'ordre. Je m'ai demandé, est-ce que De Martino quand même avait cette une idée de comment dépasser la culture populaire ou qu'est-ce qui allait prendre place de cette culture. Et je pose cette question aussi pour une autre question encore qui est un petit peu celle peut-être de l'actualité d'une anthropologie gramscienne. Parce que quand on réfléchit à la pensée italienne, on voit que si Gramsci est la première moitié du XXe siècle, peut-être la deuxième moitié, c'est De Martino et Pasolini aussi. Ah oui. Après De Martino. Pasolini a apprécié beaucoup De Martino. Oui, justement, mais Pasolini parle aussi avec la société de consommation, d'une révolution anthropologique, du changement anthropologique de la société italienne, où en fait la culture populaire devient une culture de masse, et donc où il n'y a plus de frontières entre culture et hégémonique et culture subalterne, ah, oui. Parce qu'il y a une culture populaire partagée, mais en même temps, il y a la question des classes qui restent ou des inégalités. Donc, c'était ma question, comment penser à l'actualité aussi de cette... C'est possible de penser à l'actualité de cette pensée gramscienne, oui. Aujourd'hui et à l'anthropologie des Martiniennes. S'il y a quelque autre question avant de répondre, parce que c'est une réponse qui va durer beaucoup. Ah, okay. Mais bon, alors je vais... Alors, je prends mes notes, parce que c'est la partie que j'avais éliminée. Ah, okay. Alors, je vais lire un passage. Donc, le problème du dépassement, décliné de manière très, très différente. Dépassement, c'est un mot-clé pour De Martino. Alors, on a vu dans le tarantisme, le problème, c'est dépasser l'état de crise des femmes. Donner un ordre à l'existence. Parce qu'on ne peut pas vivre dans le sentiment d'une frustration qui n'a pas aucune forme de compensation. Donc, dépassement d'un seul. Et autre problème, dépasser, aller au-delà de la culture, populaire. C'est un projet de transformation historique. Et selon De Martino, la connaissance de la culture populaire a du sens seulement à l'intérieur d'un projet politique de changement de la société. Il n'a aucun sens de se limiter à changer la culture. C'est le changement de la société qui entraîne le changement de la culture. Et c'est pour cela que vous vous rappelez le passage clé de Gramsci où il parlait de la nécessité de l'État de former les jeunes générations. Mais pour créer une nouvelle culture des masses populaires, mais ça ne peut pas s'y limiter au niveau de la culture. Il doit être conçu comme un changement de la société tout entière. Il faut surtout donner, si je peux dire ça en synthèse, la conscience de classe aux couches populaires. On appelle un fait social total. Ah oui. Je sais pas. Ah bon? Non mais je l'ai lu quelque part. J'ai pas traduit bon parce que c'est. Enfin, j'ai pas vu l'explication. Qu'est-ce qu'un fait social total? Oui, c'est une formule de Marcel Mauss, vous savez, non? C'est son essai sur le don. Il considère le don comme un fait social total, parce que dans le don, il y a la conception du monde et de la vie. Je te donne quelque chose et j'attends que tu donnes à moi l'équivalent de, et plus que l'équivalent de, ça veut dire que j'ai une certaine conception des relations sociales, du don, de la religiosité, etc. Le fait social total, c'est le fait qu'englobe en soi toutes les manifestations de la politique, de la culture, de la société, etc. Il n'y a, et c'est une très belle expression qu'on peut appliquer même au tarantisme, c'est un fait social total. Il y a une idée de la société, des rôles à l'intérieur de la société, rôle des femmes, rôle des hommes, etc. Le lien entre conception du monde et économie, j'ai parlé de l'économie. La morsure de la torrente, c'est un été à l'époque de la récolte, quand il y a véritablement de torrente qui va mordre, etc. Et donc, vous voyez, il y a tout le monde. L'idée de la totalité. C'était un génie. Mais sans la religion catholique, parce que la religion catholique est quand même très... traditionnaliste, on peut se dire. Oui, mais ça n'empêche pas au rite catholique d'être des faits sociaux total. Dans Mort et Lamentation funèbre, que je viens de citer, l'ouvrage central de De Martino, les rituels funèbres chrétiens sont des faits sociaux totaux. qu'il a trouvé de Gramsci à Marcel Mauss. Il y a une question, sinon moi j'ai une question aussi. Là c'était très intéressant sur, effectivement, sur ce passage, sur le folklore de Gramsci. Je l'avais relu avant le séminaire, je savais que c'était un des sujets de la séance. Donc, et ça me faisait penser effectivement à, vous avez dit, la méthode gramscienne sur l'histoire, et surtout sur cette idée de dépassement. Qui est un dépassement dialectique, il me semble, parce que là, quand je pensais effectivement au rôle d'éducation, l'éducation de l'État, et donc utiliser le folklore comme connaissance de l'autre, comme connaissance de l'autre, il m'est venu tout de suite à l'esprit son utilisation de Croce pour sa propre philosophie, c'est-à-dire cette Croce qui est la philosophie haute, la grande philosophie italienne, lui il la utilise, il la reprend, il la forge à ses buts politiques, et il y a là, donc il y a tout un questionnement, une philosophie qui est derrière, donc de cette dialectique qui lui voit dans le dépassement aussi de la philosophie de Croce, parce qu'il n'y a pas juste ce que je veux dire, qu'il y a chez Gramsci pas seulement le dépassement de la philosophie populaire, de la conception du monde populaire, mais il y a aussi un dépassement de la conception hégémonique, si on veut. Et c'est un jeu qui se fait sur tous les tableaux, en fait. Je me disais, ça me faisait penser effectivement à la même méthode. En fait, on applique la. Oui, c'est la méthode historique. Voilà. C'est la grande tradition italienne, de Vico à Gramsci. Ouais. L'historicisme, mais la nouveauté de Gramsci, c'est le fait d'avoir posé le problème du lien entre faits sociaux et faits culturels que. Pour Croce, c'est un absurde. Oui. Il n'existe pas que la culture officielle qui est la culture tout court. L'autre, c'est, bon, ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup de sens. La culture est surtout la culture Dante, Manzoni, etc. Mais là, la chose qui me faisait penser... Et la musique. Il n'avait aucun intérêt pour la... Le traitement de Gramsci de Croce, comment il utilise la philosophie de Croce et comment, c'est-à-dire avec l'intention du dépassement de la philosophie, garder ce qui peut être gardé dans la philosophie de Croce, mais pour la dépasser, pour la constitution d'une nouvelle hégémonie. Il y a le tableau de la culture. Les intellectuels et le traitement de la culture populaire, et là c'est la même méthode qui s'applique sur les deux tableaux. Oui, je dirais en deux mots, parce que je ne voudrais pas abuser de votre courtoisie, que la nouveauté de Gramsci, c'est d'avoir mis en dialogue l'historicisme italien et l'historisme marxiste. Oui. Et le marxisme, pour Croce, il dit une étrange philosophie, mais en la traitant comme une déviation de l'égalisme. Et tandis que pour la nouveauté de Gramsci, c'est la possibilité d'avoir créé une synthèse avec des côtés obscurs. Entre la tradition historiciste italienne et le marxisme. Je voudrais vous demander quelques mots en plus sur les conseils de folklore progressif de Martino. Ah bon? Alors, je l'ai dit, mais c'est très perfide. je l'ai mise à l'écart parce que je me suis concentré justement sur le folklore religieux. Mais il y a beaucoup de facettes du folklore. Et entre plusieurs facettes du folklore, il y a la morale du peuple. Et alors, je vais citer. Et d'un côté, le folklore religieux est complètement dépassé. Et donc, il faut élaborer une nouvelle stratégie culturelle, mais il faut avant tout changer les masses populaires et lui donner une conscience de classe. Et, le folklore, c'est un phénomène composite qui englobe la religion du peuple, le sens commun, donc le folklore philosophique, et la morale du peuple. Alors, en ce qui concerne le concept de morale du peuple, il doit tenir compte du fait qu'il s'agit d'un ensemble déterminé de maximes pour la conduite pratique et des coutumes qui en dérivent ou les ont produits. Morale qui est étroitement liée aux croyances religieuses réelles. Il existe des impératifs qui sont bien plus forts, tenaces et effectives que ceux de la morale officielle. Dans ce domaine, et ça c'est la réponse, il faut distinguer différents niveaux. Ceux fossilisés qui reflètent des conditions de vie passées. Conservateurs et réactionnaires, c'est Gramsci qui parle. Et ce qui constitue une série d'innovations, souvent créatrices et progressistes, déterminées spontanément par des formes et des conditions de vie en cours de développement. Donc, et qui sont en contradiction ou simplement différentes au regard de la morale des couches dirigeantes. Donc, si on veut garder les aspects novateurs du folklore, il faut s'appuyer sur la morale du peuple, qui a élaboré déjà des formes nouvelles de la conduite populaire, qui permettent de créer à partir de ça quelque chose de complètement nouveau. Et je me limite à ça parce que c'est presque une heure. Donc, c'est dans le domaine de la morale. C'est autre chose. Et De Martino, lors de la présentation des cahiers de prison, s'est occupé justement du folklore progressif ou progressiste, je ne sais pas comment traduire. Mais c'est ça la partie. Ok, ben, merci beaucoup, Marcello Masseitz. Merci à vous. Merci. Je vous rappelle en fait que la prochaine séance se tiendra dans deux semaines, mais pas le mardi, ça sera le jeudi de 15 à 17 heures, toujours dans cette salle normalement. Et on aura le plaisir de recevoir Cosimo Zene, qui est professeur à Londres et qui nous présentera un exposé sur la figure de Gramsci dans le monde indien et les concepts de subalternité. Donc Cosimo Zene, qui est professeur lui aussi d'anthropologie des religions, et donc qui prolongera cette réflexion du lien entre Gramsci et la religion. Et je me permets de vous dire que dans le mois de juin, le 21 juin, il y aura ici en France un séminaire consacré à De Martino, lecteur de Gramsci, et on aura le plaisir d'avoir le directeur de la Fondation Gramsci, Beppe Vacca, et un collègue de Naples très intéressant qui s'appelle Valerio Petrarca. Donc si vous voulez continuer avec Gramsci, vous avez cette opportunité. Juin 21, d'une heure à À 15h, non ? À 16h. Et peut-être aussi, vous tenez un séminaire ici avec Daniel Favre sur la nouvelle édition, l'édition française de La fin du monde de Oui, il y aura toute une série de séminaires l'année prochaine consacrés à la fin du monde. Et au mois de mai, il y aura Carlo Ginzburg. Oui, au mois de mai, il y aura Carlo Ginzburg sur La fin du monde, l'ouvrage posthume de De Martino, qui on est en train de traduire. Merci. Je dois vous laisser. Alors, on s'appelle. On s'appelle, si vous êtes libre, bien. Si oui. Merci.